Entraînement. Page 87. Activité 6. Piste 76. A. Tu as cours de musique jeudi? B. J'écoute de la musique tous les soirs. C. J'aime bien tout ça. C'est super.